sortie culturelle. CKRL vous présente La vie en BD en mode sortie culturelle, en direct du Centre des congrès, dans le cadre du Salon international du livre de Québec. Bon après-midi à tous et à toutes. Bienvenue à cette édition de La vie en BD en mode sortie culturelle en marge donc, du 32e Festival Québec BD. Raymond Poirier au micro avec vous jusqu'à 14h30. Et à l'image de l'émission qu'on vous avait proposée hier, ben, on va lorgner vers trois invités de marque du Festival Québec BD qu'on va rencontrer au fil d'autant d'entrevues. Et des sujets, ma foi, radicalement différents cet après-midi. Alors, notamment en fin d'émission, on va s'intéresser à la maison d'édition Roukmout, qui tranquillement arrive vers le Québec, une maison d'édition qui a déjà 2 ans du côté de Nantes, une maison d'édition qui a produit une bande dessinée qui a remporté d'ailleurs le prix Schlingo en honneur à la bande dessinée humoristique, donc du côté du Festival d'Angoulême. Alors, on avait envie de jaser de cette boîte-là qui a un catalogue dédié sur l'humour, mais également une structure d'édition qui est bien différente d'autres maisons, tant sur l'angle éthique qu'économique. Alors, on va jaser avec eux en troisième partie d'émission. En deuxième partie, on aura le plaisir de rencontrer Luke McGarry, qui est un illustrateur, un BDiste, un musicien qui a réussi à faire sa place à Los Angeles, devenu une référence dans plusieurs cercles en matière justement d'affiches et autres. Il est très connu d'ailleurs pour ses affiches de festivals. Et il a également une grosse production sur le web, entre autres avec un mime qui s'appelle Sad Chewy, qu'on a vu passer de manière assez récurrente. Alors bref, ce sera un plaisir de l'avoir avec nous en deuxième tiers. Et pour le premier tiers, eh bien, je tenais absolument à profiter de la présence à Québec de Sylvie Rancourt pour la rencontrer. Sylvie Rancourt, qu'on pourrait qualifier de pionnière de la bande dessinée autobiographique au Québec. Et ben, c'est un plaisir de l'avoir avec nous ici au Centre des congrès. Madame Rancourt, bonjour. Bonjour tout le monde à Québec. Alors, ben d'emblée, en fait, si on essaie de se situer, si on remonte en arrière, donc vous êtes lancé dans la bande dessinée par le biais du récit autobiographique dans un contexte de publication indépendante dans les années 80, en fait, au début des années 80, à une époque où, au Québec, essentiellement, la BD autobiographique n'existait pas particulièrement. Alors, à l'époque, vous étiez danseuse nue, vous avez choisi d'utiliser le médium BD pour raconter votre vie, votre quotidien. Qu'est-ce qui vous avait lancé et orienté vers ce médium et vers l'idée, justement, dans le contexte de l'époque, d'utiliser ce médium-là pour vous raconter? Ça commençait par une grande peine d'amour. Alors, j'ai arrêté mes activités et puis j'ai commencé à écrire chez ma sœur qui me consolait. Elle m'a aidée pendant 3 mois pour monter 3 gros livres de 48 pages, puis après ça, ça m'a donné le courage. J'ai dit, je remonte à Montréal, j'irai voir des éditeurs et je vais sortir mon livre. Mais j'ai pas trouvé d'éditeur. Il n'y a personne qui a voulu m'aider dans ma démarche dans ce style de livre-là. Alors, je l'ai publié moi-même. Oui, parce que vous étiez dans un contexte où, je le mentionne et je le rementionne, la BD autobiographique au Québec, c'était pas Légion. Il y a eu par après, dans le fond, il y a eu Julie Doucet, il y a eu d'autres, mais vous étiez dans les premières à avoir choisi ce créneau-là. Justement, c'était difficile d'aller convaincre les éditeurs de désappréhender parce qu'il fallait que vous les convainquiez autant sur le propos que sur le type de récit que vous proposiez. C'est pour ça que ça m'a amené à faire mes livres moi-même. Et quand j'ai sorti 6 numéros avec l'aide de Jacques Boivin qui a approché les États-Unis, on est parti sur ce côté-là après. Exactement, où là, il y a eu un passage vers l'anglophone et des éditions par la suite au niveau américain sous le titre « Argies of Abitibi », si je ne me trompe. Et j'imagine que ça a apporté une légitimité additionnelle à la démarche, au travail que vous faisiez, de voir qu'à tout le moins, les Américains étaient intéressés pour vous offrir un véritable créneau d'édition de ce côté-là. Bien, je remercie beaucoup Kitchen Sink Press qui a édité les livres à ce moment-là, mais il n'a pas édité les livres sur les danseuses, il a édité avant que j'arrive à mon premier jour de danse. C'est Ego Comics qui a publié Mélodie qui danse au Québec. Et justement, Ego Comics aussi, une réédition qui avait mené à une nomination au prix patrimoine du côté d'Angoulême. Donc, quand on parle de l'importance du travail que vous avez fait, bien, ça a été répercuté aussi jusque-là. Peut-être justement, au départ, donc vous disiez une peine d'amour qui vous avait amené à dessiner. Donc, vous avez appris, en fait, c'est aussi un côté autodidacte, autant sur le dessin que sur l'édition elle-même. Quand j'avais 15 ans, j'avais déjà écrit 3 romans écrits à la main. J'avais déjà beaucoup d'affinité. C'est ce que j'aimais faire, écrire et raconter des histoires. Je racontais des histoires toujours quand j'étais enfant. C'était mon jeu préféré, raconter des histoires avec des bonhommes de papier découpés dans des catalogues, Cire puis Eton. Et puis, toute ma vie, j'ai raconté des histoires. Puis, la bande dessinée est arrivée à ce moment-là parce que c'était dur à raconter puis à expliquer les mouvements, les danses, les corps et tout ça. C'est pour ça que j'ai appliqué la bande dessinée. Puis, ça m'a aidée parce que dans ma vie, j'étais pas bonne à l'école, sauf en art. Et ça l'a fait que c'est ça qui est arrivé avec ma bande dessinée dessinée. Donc, ça a permis... Ça devenait plus facile parce que justement avec le visuel et le reste, on pouvait s'imprégner. Donc ça aurait été un sujet qui aurait été plus difficile à aborder simplement avec l'écrit, sans l'aspect dessin justement. C'est ça. Et donc là, vous avez commencé avec le premier, c'était Mélodie à ses débuts, dans le fond, où là c'était les premiers moments, l'entrée vers le club, dans le fond. Bien, j'ai commencé à mon premier jour de danse parce qu'avec ma peine d'amour, je me suis dit où est-ce que je me suis trompée dans ma vie pour avoir tellement de peine d'amour répétitive. Je suis d'un milieu dysfonctionnel. Ma mère était schizophrène. On avait beaucoup de problèmes dans la famille. Ça fait que j'ai pas évolué comme tout le monde. J'étais comme une fille perdue avec les foyers nourriciers et tout. Fait que toute cette enfance-là est aussi dessinée, écrite. J'en publie un livre de temps en temps. J'ai toute ma vie à écrire parce que quand je suis arrivée aux États-Unis avec Mélodie... danseuse nue, là, il me dit, mais qu'est-ce que tu faisais avant? Bon, on jouait à la bouteille, on faisait les orgies. À ce moment-là, ben, après ça, il me disait, ouais, ben, on fait pas ça, tout le monde fait pas ça. Là, j'ai dit, qu'est-ce que tu faisais avant? Fait que là, le premier livre que j'ai eu, quand j'ai eu ma subvention, là, 20 ans pour dessiner mon livre, fait que j'ai fait Bébé Mélodie. Fait que je me suis dit, ben, il y aura pas de sexe à cette revue-là. Fait que ceux qui m'ont aidé pour la subvention, ils vont être contents. Mais il s'est pas tellement vendu à cause que c'était pas mon créneau de faire des livres comme ça. Et je l'ai modifié présentement, mais là, actuellement, il est épuisé. Donc, dans le fond, l'idée, ça a été de trouver le bon créneau, le bon élément, puis après ça, réussir à. J'imagine, en fait, vous disiez. La notion des erreurs, donc ça devenait un peu un exutoire de pouvoir mettre ça par écrit, de mettre son parcours, un peu de s'en libérer aussi d'une certaine façon, de s'en émanciper ou simplement pour le plaisir de témoigner du chemin qui a été parcouru. Disons qu'aujourd'hui, j'ai réglé des problèmes d'émancipation ou quoi que ce soit. Ça m'a aidé dans ma période où ce que j'en avais besoin. Aujourd'hui, c'est que je continue par plaisir parce que j'ai vraiment beaucoup de livres... déjà écrit que pendant 20 ans que j'ai arrêté pour élever mes enfants, j'ai jamais cessé d'écrire. J'ai une centaine de livres à sortir présentement. J'invite les dessinateurs à en faire quelques-uns parce que je me dis que j'arriverai jamais à sortir tous les livres que j'ai écrits. J'ai 6 dessinateurs qui ont travaillé dans mon équipe actuellement. Puis je trouve ça vraiment le fun de voir sur différents visages. Oui, en fait, voir comment ils s'approprient le thème, le récit, les éléments, parce que j'imagine sur les livres, dans le fond, vous allez sur... toujours en autobiographique, dans le fond, sur différentes époques de votre vie, de votre parcours? Ou... C'est sûr que quand je pars dans l'écriture, en général, j'écris qu'est-ce qui m'est arrivé, parce que c'est ce que je trouve que mon parcours est vraiment lourd en écrit. J'ai eu aussi mon hôtel, mon bar de danseuse, une année avec les éditions. C'est vraiment extraordinaire ce que j'ai accompli. Fait que je veux tout écrire ça. Mais des fois, quand je pars sur un sujet puis que je déraille à côté de la traque, là, à ce moment-là, je me dis, ben il faut que je revienne parce que ça s'est pas vraiment passé. Le prochain livre que je vais écrire, il était subventionné par le gouvernement. En tout cas, je suis vraiment contente. Mais j'en ai un que... Il était vraiment à côté de la traque que je vais publier pareil parce que je me suis dit, ben ça n'est peut-être pas arrivé, mais j'ai pas pu m'empêcher de l'écrire. Fait que le prochain livre, ça va être marqué dessus 1981, mais c'est un faux. Et j'imagine qu'à force, justement, au fil de l'écriture, autant que du dessin, on parlait du côté autodidacte, donc d'apprendre sur le métier, au fur et à mesure que les tomes avançaient, parce que c'était au départ, c'était des petits formats magazines, des formats, des épisodes, des chapitres. Éventuellement, vous les avez édités en format plus large, des 48 pages, éventuellement. Donc, c'est ça? J'ai commencé par faire 48 pages chez ma sœur. On a fait 3 livres. Après ça, quand je suis arrivée pour les États-Unis, ben, ils faisaient Spider-Man, Batman, toutes ces revues-là. Fait qu'ils étaient toutes des petits fascicules de 24 heures. J'ai coupé le livre pour arriver à sortir les éditions de cette quantité-là. Puis quand on est arrivé en France, ben, lui, il faisait des gros volumes. Fait qu'on a tous réuni les gros volumes. Fait que là, le prochain, ben, c'est un gros volume parce qu'ils m'ont subventionné pour un livre de 400 pages. Fait que je vais avoir 14 histoires en ligne qui sort cet été. Puis, j'aime mieux écrire 4 histoires de 24 pages parce que les bibliothèques, ils me payent quand le livre est assez gros, puis pas des petits fascicules. Fait que je m'adapte avec le marché. On a aussi fait plusieurs petits fascicules de poche qui ont été vendus dans les machines à cigarettes un peu partout. Là, j'ai arrêté d'en faire parce que je me dis que c'était compliqué de les transmettre dans le grand livre après. Fait que le projet, il n'est pas... arrêter, mais c'est temporaire, comme je ne sais pas si je vais avoir le temps d'en refaire d'autres, des petits mini. Donc vraiment, on adapte en fonction des besoins et de reste pour favoriser la diffusion et pour s'assurer, parce que c'est toujours un peu le défi dans l'édition indépendante, que ce soit, et j'imagine en fait, ben, encore aujourd'hui et à l'époque, tu es dans des réalités quand même assez différentes des années 85, par exemple, versus en 2015-2020, mais dans le fond, il y a toujours un défi de réussir à amener le livre vers le lecteur. Je me rappelle une période où je publiais dans un journal. Ma page n'était pas assez grande. Fait que j'ai rajouté une page de côté puis une page en bas ou en haut de l'histoire. Fait que j'ai tout modifié mon histoire. Fait que je trouve que ça, je suis capable de faire ça n'importe quand avec le livre, le grossir, le rallonger, le tricoter pour qu'il arrive à fitter dans ce qu'on me demande. Je trouve que je suis pas mal bonne de me faire ça. Et si on parle, par exemple, si on revient un peu sur l'intégrale Ego Comics, qui est aussi disponible chez votre maison d'édition, les versions intégrales sur les premiers 7 livres, par exemple. Ce qui frappe, c'est beaucoup le regard, quand même, la résilience de Mélodie, du personnage que vous mettez de l'avant, mais aussi une résilience à travers un regard qui est quand même d'une certaine candeur, puis un certain optimisme aussi qui ressort beaucoup de ce personnage-là, de la façon dont vous avez transposé ces éléments-là aussi à l'écrit. Ben moi, je trouve que les clients, ils trouvaient toujours qu'on faisait pitié. Mais moi, je trouve que c'est les clients qui font pitié. Fait que ça m'a jamais affecté toute la misère du monde. Je trouve que j'étais très heureuse à ce métier-là. Aujourd'hui, je suis bien contente que mes filles ne fassent pas ça. Je ne les aurais jamais encouragées. Mais quand j'étais dans le métier, moi, j'étais heureuse. Oui, puis dans le fond, ça nous amène. Parce que dans le fond, vous le faites. Puis c'est sans s'excuser, sans jugement. C'est vraiment... vous le présentez simplement comme ça, dans le fond, et c'est j'ai l'impression que c'est ça qui vient beaucoup toucher dans votre manière de raconter, une simplicité, une sincérité qui transparaît beaucoup de vos ouvrages, dans le fond. Ben, je vais d'abord parler les événements. Fait que je raconte les événements, puis je suis pas là pour juger personne. Oui, puis dans le fond, ça invite à l'absence de jugement aussi. On regarde, on vous accompagne un peu là-dedans. Puis il y a quand même des moments, autant des moments plus difficiles. Bon, je pense à tous les éléments relatifs à votre le conjoint qu'on retrouve dans ces livres-là qui semble pas nécessairement facile. Autant des fois des segments plus humoristiques. Il y a un bout avec des marionnettes que vous introduisez dans des numéros, des choses comme ça qui sont plus qui amènent plus de légèreté aussi. Donc on va enfin, il y a une richesse d'épisodes qui ressort un peu de ça. Okay. Ben, je pense que je suis un artiste né. Pour faire, à Granby, j'ai fait beaucoup de spectacles à Saint-Hyacinthe, on faisait des coupes érotiques. Puis le métier, il y a eu beaucoup de variantes. J'ai dansé avec Gilda. On a eu plusieurs artistes extraordinaires qui ont passé dans les cabarets que j'ai connus. Puis je trouve ça vraiment le fun. Donc, à la limite, enfin, on est plus dans une logique où le défi, c'est de trouver les bonnes anecdotes à raconter ou faire le tri pour choisir lesquelles on raconte en premier. Bien, quand que j'écris les livres, j'y vais par événement. Puis des fois, bien, un livre de 24 pages, ça fait un événement d'un soir. Fait que quand que je fais ma série comme à Saint-Hyacinthe, bien, je rentre les événements un après l'autre. Puis si j'en ai oublié un, bien, je rentre un livre entre le 2 et le 3. Tant que c'est pas publié, la série, elle bouge. Puis là, j'ai dessiné 1959 quand je suis née jusqu'à dernièrement. Je dessine pour mes petits-fils parce qu'ils voulaient avoir des bandes dessinées pour leurs anniversaires. Fait que j'ai 2019 de fête aussi. Fait qu'il y a 60 ans entre les deux livres. Fait que j'ai beaucoup d'événements à raconter. Oui, puis en fait, c'est donc vraiment dans une approche un peu chronologique qu'on y va. On essaie de mettre ça dans l'ordre des années, dans le fond. Oui, je marque toutes les années maintenant parce que j'ai une fille qui reste à Bellecour, Gabi Charbonneau, qui écrit mes livres de 15 ans à mon mariage où mon frère s'est suicidé puis qu'on a eu des problèmes à ce moment-là dans la famille. Puis elle a tout écrit ces livres-là. Et je suis en train de publier tranquillement sa série. Fait que quand j'ai un artiste qui arrive pour m'aider à sortir ma vie, ben je le commence à telle période de ma vie puis j'écris des livres tant qu'il n'en veut. Fait que je me dis que ça s'étale sur plusieurs années. Et les collaborations, justement, vous disiez six dessinateurs pour l'instant qui ont collaboré avec vous sur différents épisodes de Mélodie. Évidemment, c'est Jacques Boivin qu'on connaît peut-être le plus de ceux-là parce que la première forêt américaine, c'était justement avec le dessin qu'il avait réalisé à partir de vos histoires. Comment se font les collaborations un peu avec les dessinateurs, avec vos collaborateurs comme ça? Est-ce que si chacun amène un peu sa dynamique particulière? Est-ce que vous lui donnez puis vous faites une confiance complète dans ce que lui va vous proposer? Bien, quand je rencontre quelqu'un qui dessine, là, je lui demande s'il y a du temps, s'il y a des scénarios, si ça lui tente d'embarquer dans ma saga parce que je me dis éventuellement ça va venir vraiment gros. J'ai une fille à Montréal qui dessine des chiens. Bien, je vais avoir Mélodie avec une tête de chien et je me dis ça va varier ma... Mon édition, je m'empêche pas de redessiner le livre n'importe quand j'en aurai besoin ou que j'en aurai le temps. Et puis, les dessinateurs, j'aime ça que ça soit le style. J'espère juste qu'elle va ressembler à Mélodie le plus possible, parce que sinon, on la reconnaîtrait pas. Puis, ça l'est arrivé déjà que la personne m'a mis un toupette avec les cheveux courts. Ben, je dis, si je la regarde, elle ressemble pas à Mélodie. Mais je respecte cet artiste de talent parce qu'il n'a pas pensé peut-être de faire un lien. Mais je m'adapte avec les personnes. Je l'ai publié quand même. Je me dis, s'il aurait continué, j'aurais pareil donné des scénarios parce que je me dis, je fais juste 100 copies à ces artistes-là. Je les encourage à aller voir des éditeurs s'ils veulent continuer. Je suis ouverte à toutes les suggestions dans le fond. Moi, je veux que les livres sortent, que ça soit une grosse série, que ça soit rassembleur, qu'on s'entraide les uns les autres. En tout cas, c'est mon objectif en ce moment. Oui, puis à travers tout ça, en terminant, Sylvie Rancourt, vous rendez entièrement disponible. Je veux dire, il y a presque une démarche de transparence, je veux dire, à écrire comme ça sa vie, à la rendre disponible par le pied de la bande dessinée, à l'avoir fait dans les années 80, à continuer de le faire aujourd'hui. Donc, un désir de partager un peu le chemin inhabituel que vous avez effectué au fil des années. Quand j'ai recommencé mes éditions il y a 2 ans, ben c'était avec l'approbation de mes enfants en premier. Puis, ils ont dit, ben maman, c'est ta vie. Ben, fallait donc tes bandes dessinées. Mais mes enfants, ils ont pas lu. Alors, ben on les découvre d'ailleurs sur Facebook si on cherche chez Édition Mélodie. Mélodie, bande dessinée au pluriel. Puis, parce que mes livres sont présentement pas en magasin, j'ai pas de distributeur. Je viens de recommencer, je fais tous les événements que je peux. J'ai pris ma petite quantité, mais je réimprime chaque numéro comme 1959 sont présentement épuisés. Fait que quand je vais arriver, c'est la priorité de garder mes éditions ouvertes et disponibles, qu'on peut me commander sur Facebook, puis que je vais vous envoyer par la poste. Alors, ben l'invitation est lancée pour découvrir ce travail. Sylvie Rancourt, merci beaucoup. Et je rappelle, ben, pour les auditeurs, dans le fond, Mélodie, donc une série majeure, en fait, dans l'histoire de la BD au Québec. On le rappelle, nomination à Angoulême pour le prix Patrimoine, entre autres, il y a quelques années de ça. Et vous avez gagné, d'ailleurs, vous avez été récipiendaire du prix Albert Chartier au BDIS Causa, justement en hommage à l'impact que vous avez eu sur l'évolution de la bande dessinée québécoise, là, par justement le fait d'avoir été pionnière et dans les premières, justement, autrices qui ont fait de l'autobiographique au Québec à l'époque. Mais merci beaucoup d'être passé. Merci beaucoup. êtes toujours à l'écoute de La Vie en BD, donc en mode sortie culturelle, ici dans l'espace du Centre des congrès de Québec, en marge donc, et en parallèle du 32e Festival Québec BD. Et on poursuit avec ces rencontres et de l'Abitibi, on va maintenant aller vers Los Angeles et Manchester, un peu deux en un, en compagnie de Luke McGarry. Bonjour. Bonjour. That is the extent of the French I know, unfortunately. And Luke McGarry, you're a cartoonist, an illustrator, an animator, a designer, a musician. And as far as music go, you play bass, keyboard, voice. So going freely from one to the other, I'm wondering at first, is it variety by necessity? Or they simply started adding up to each other and you never went to just remove some parts and decided to do it all? Yeah, I think it's sort of just a desperate need for attention. So really any way I can get, if I have to draw to get somebody to look at me, if I have to sing a song, that's what I'll do. And you managed to do it well, so it's eventually it's hard to remove some parts, yeah. Because... well is subjective. If you ask my brother, he would tell you I cannot play bass. And singing is also questionable, but I like to think I manage. And you started actually, I think, with the drawing. Your parents are cartoonists, illustrators, and they actually do music too. Also, so correct. Yeah. My dad is a cartoonist, and so growing up, he was always at home. He was always drawing, and it wasn't until I started school that I realized not everybody's mom and dad were, you know, at home all day drawing. And it's funny, kind of the way I started was similar to him. My dad and my careers kind of mirrored each other unintentionally. So both of us enjoyed drawing, and we both enjoyed playing music, you know, in our respective eras. When he started playing in bands, other bands would ask him to do artwork and stuff, you know, because they knew he could draw. So he was hanging around musicians, they could see he could draw. And he ended up doing kind of album sleeves and posters that way. And then 30 years later, the exact same thing happened to me. So, you know, you do a poster for your own show, and somebody else would go, oh, can you do a poster for our show? And it just kind of came that way. So music was plan A. I've been drawing since I could hold a pencil, but music was the plan A career, and then plan B just really took off. Yeah, with the drawings, you did some in some ways the same road as your father. You say you were playing music, but you were drawing. You drawn for your stuff. Eventually, you got asked by festivals and other bands. And exactly, The FYF, I think, was the real launch pad for you in Los Angeles. Yes, you've done your research. I'm flattered. it was. I started working for this just local free music magazine called LA Record, and one of the guys that worked there was a guy named Sean, and I ended up illustrating all of his articles, and then he started promoting shows as FYF, and then they became a festival, and just because he knew me from the magazine, I was the only person I think he knew that could draw, he started hiring me for stuff, and I guess it was just right place at the right time, because FYF became absolutely massive, so yeah. And what's special is that you manage in advertisement somewhat, because posters are advertisements to get people to the shows, so, but you manage to keep your own style and to promote your own drawing style while promoting others. And that's still what you do as of now with advertisement, with other posters, with stuff like this. So. Yeah, it was interesting how it panned out. I mean, I didn't set out to do that. You know, I kind of, especially because I was so young when I started doing it, kind of my illustration style developed within posters. So it just kind of, they kind of played off each other. And that's probably why I do so much advertising work now. It was, you just had to make it the most eye-catching it possibly could be, and kind of work in design as well. So yeah, it probably was a big influence. I was growing as the shows were growing. It was interesting. Yeah. And now when people want to work with you, with Luke McGarry, they want you to keep your style because that's the signature they're looking for. Yeah. So you manage to turn your style, your drawing, into somewhat of a brand, and you do it with Instagram and with other, with social media as well. So that's something that I don't see much illustrators manage to do it in large, in somewhat large scale. Yeah, it's It's interesting because so many illustrators I know, you can kind of, I mean, I don't want to toot my own horn, but so many people you can cite exactly who their influence was. You know, whether it's Mort Drucker from Mad Magazine, a lot of, you know, caricature artists work within his style, or I'm blanking on his name, but a lot of, especially in the States, a lot of political cartoonists kind of work within the, I think it's Jeff McNally. He might have been the one who kind of everybody emulates. And I guess just sort of out of not really going to an art school. I mean, I went to an arts high school, but I was already drawing, you know, when I went there. But sort of not going to school to learn how to draw, I sort of had to invent my own style. So it kind of ended up unique. Yeah, and I guess maybe coming from Manchester to L.A., having grown with European comics influence, that's kind of American influences, I've seen you cite Hergé with Tintin and Linclair as the basis of how you started. Yeah, but before, I mean, I think my work would look a lot more like Hergé's work if that is who I'd set out to emulate. But initially I was emulating Robert Crumb. Yeah. My work was a slavish copy of his. And then I discovered, well, I knew Hergé's work, but I sort of read more about his technique, and I just loved his clear lines. So I applied that to what was kind of ripping off Crumb. And then, you know, it kind of came out of that, you know. Yeah, mixing some things that were not initially meant to be mixed, but you go with a technique of one with some inspirations from others and do something completely different that now you see, we see a Sacchewi mine on the internet. We know it's you because of your style. We saw last year at the Ombé Dé Festival, you did the poster there. We knew it's you from just looking at the... And yeah, it's probably a mix of kind of American underground comics with more, you know, Franco-Belgian sort of. Yeah, it's a weird hodgepodge. Yeah, I guess it's if we look at your travels or your influence or yourself, that it's actually it's a mix of those influences. So it's reciprocate in your style that from Manchester to LA, from Europe to America, from music to illustration. So all of this. Mishmash of yeah, stuff. It's a mishmash. That's the best way to put it. Yeah. And if I go back to the first questions, like variety things added up by each other, but at times I guess you need music as much as you need drawing. You can do without both. Yeah, absolutely. It's kind of all two sides of the same coin. You know, the same. It's all a creative outlet, really, for me. And again, my illustration work is so heavily influenced by music. I wouldn't say the music is too influenced by illustration. I don't know how that would work, how music would be influenced by illustration, but maybe it could be. Yeah, you'd need to draw while listening to your music. Yeah. That would be a bit narcissistic circle. Absolutely. And then it would all end up sounding like the theme song to a cartoon, so yeah. So you'd go with the ambience and by trying to develop your signature as a musician as well as your signature as an illustrator. So I guess it goes back to knowing yourself, what you are, who you are, and trying to be yourself as well as you can in each medium. Yeah, I guess that would be true. I think probably the theme over both the music and the illustration that would tie it together is a sort of dark sense of humor tied up in a more poppy sensibility, a more mainstream sensibility, I think. Because I wouldn't consider my work, my illustration work, too underground. There's a bit of an edge to it. There's a sort of indie, you know, but visually it's quite appealing, but then the humor, I think, is quite dark. Yeah, it's dark, but not... I think there's only one that got you a cease and desist, so yeah. It's not that dark. Yeah. It was the city of Santa Monica. I've seen in one article you did what it's a roller coaster in the shape of a penis. Yeah, that was they were very upset about it. Although, I mean, you know, that's their dairy mind. I just drew a roller coaster. But it's true that it seems very influenced by pop culture, actually. Lots of references in what you do with some kind of a caricature sensibility also. But yeah, it's I would say, well, because a lot of what my dad did a comic strip in The Sun, a newspaper in the UK for 15 years. So he did a straight-up comic strip, but then he also did a more seriously illustrated kind of biographies of different pop stars and musicians and TV stars and film stars and stuff. So, again, with him at home all day, I was just kind of absorbing the last 50 years of pop culture. So I think, yeah, there's probably more references in my work than a lot of people's, just because I have a thing, and everyone in my family makes fun of me for it, but I remember just every line exactly from TV shows, whichever TV show I watch. I, you know, especially ones I love, I just absorb them and I can repeat them. And so, which isn't a great skill to have, but yeah, I think there is a lot of pop culture kind of running through me that has to get out. Yeah, and with the social and the global medium that is internet, I feel that pop culture is somewhat of something that links everyone. So I guess it makes what you do like on Instagram or to place more relatable, because I can relate to the reference that you're suggesting, even if we're in different cultures, there's something that links everyone. Yeah, there's my brother and I were laughing about it the other day. A lot of the time it seems like my jokes are aimed only at me and him. I did one, and I think about five people liked it, but it was Ban Ki-moon, the old president of the United Nations, and Marky Moon, the album cover for Television's seminal album. And it was just Ban Ki-moon as Marky Moon, and it was just... it really didn't appeal to anybody other than me and my brother. And that's some... I like to throw those in sometimes, you know. But yeah, I think there is something for everybody. Either you are a fan of Ban Ki-moon and the United Nations, or you're a fan of this, you know, relatively obscure punk album from 1976. If you don't get it, you say, it's normal that I don't get it. And if you do get it, then exactly. You like it. It's a pat in the back. Yeah, exactly. If you get both references, you're like, wow, I'm the smartest person on the internet. And working with subjects like integrating pop cultures, it led you to a lot. I can't see them all. You're so excited a lot from magazines, from Man magazines to Vice and others. You did Bloomberg and lots of them. So is there like an adaptation that you need to do when working with editorial contents, like with Man magazine? I guess they did seek some different types of reflections that aren't the same with Bloomberg, or there are a couple, but for the most part, the people that are hiring me have seen it and are hiring me for my sense of humor. But there are certain things, like if I'm doing magazine illustrations in France or Germany, kind of a lot of the more really American stuff I have to leave out. You know, it's sort of, but again, that kind of comes in handy having grown up, you know, in Europe as well as the States, where I go, oh, well, they won't know, you know, what this is, or if I'm writing this, that's not how you phrase, that's a very American phrase rather than a European phrase, or, you know, English people don't say this that way, you know. So it is kind of helpful to have grown up in both countries, but for the most part, a lot of my references work within, you know, whatever I'm doing, especially with Mad Magazine, where... I'm currently working on a strip called The 27 Club about all of the pop stars that died at the age of 27. And that really is just throwing in as many pop culture references as I can think of. And the more obscure, the better. You just push them further and further into the background, I think, yeah. And just to see if people eventually notice, how they notice it. And exactly, yeah. So you start with a joke about Jimi Hendrix or Kurt Cobain, but then if you look, you know, three rows into the background, there's something, you know, really obscure that only 10 people will get. Yeah. And becoming known and solicited for a type of work, a type of drawing, do you feel that eventually it'll become restrictive because people will look for Luke McGarry with this type of content and it's going to be hard to go outside of it? But yeah, I mean, that's already sort of, it started to happen with my Instagram, with my social media, because so much of when I started was just silly puns, you know, just wordplay. And I had to work hard to break out of that, because if I did a traditional comic, people weren't responding to it in the same way, because they just wanted, you know, a silly joke about, I don't know, some celebrity whose name sounds like a food, you know. So eventually you need to have an alias or something, yeah, to exactly. do something else yeah. without the pressure of being of your following and stuff like this. Yeah, and then when I did the sad Chewie thing, that too kind of, I picked up a load of Star Wars fans who didn't want anything other than Star Wars jokes, and I was like, come on, guys. Yeah, the sad Chewie was, I think, a piece of genius some way of decide. It's a good example, actually, of the pop culture work that you do. It is take something, turn it sideways, bring it somewhere that you don't expect it, and then work it with every facet imaginable of how it could work or not work. Absolutely. And the sad Chewie one really is a good example, because you take a Star Wars reference and then he's sad, and then you try and think of other sad movies or sad events from literature or something like that, so then Chewbacca is in the movie Ghost at the pottery wheel, you know, and it's like, just, who is this aimed at? Who is the audience for it? Like, where's the Star Wars and, you know, Demi Moore romantic? At times it turns to dark humor, because it's all around with that. I think there's one of the more recent one that's... Chewie goes up in the door, it's Han Solo, he's alive, and now it's a joke. Yeah, he's still dead, but I'm there. It's I have a lot of fun doing the sad Chewie stuff, but he's not properly been in a Star Wars movie for the past couple of years, so they need to bring him back so that I can make some more money. Managing to get movement on social media is quite hard. People are looking for viral stuff. So having a minor or a big, depending of our scheme of our scale, but a viral success, eventually you start looking for other type of successes like this, or just decide that, okay, I did it once, I don't look for it, but if it's happened, it's happened. But That's more my approach. Is I'm not... I kind of knew Sad Chewie would take off the way it did, but before that I was doing a series of jokes about Edgar Allan Poe, and those took off in a way that I really didn't expect. So sometimes I will do a joke that, I did a joke that was the Texasist, and it was just a priest wearing a cowboy hat saying, "Go on, git," to a ghost. And I had that joke written down in my notepad for about 6 months, and I didn't bother drawing it because it was just so dumb. And or I thought so anyway. And then one day I didn't have any ideas, so I just drew that really quickly. And it went very viral. To the point where people are even getting tattoos of it, and which is just insane. So I don't try and chase a kind of viral hit, and sometimes ones happen that you just really wouldn't expect at all. Yeah, I guess it's something that people want to be taught, how to reach people through social media, but I feel it's something you can't teach. You just need to do your thing, and eventually... Yeah, I think that kind of goes for, you know, even outside of social media. It does help with the internet nowadays, but I think you just kind of have to do what you're interested in, and other people will find, you know, especially if it's genuine and, you know, it's your interest and you're not just chasing a viral hit, people will respond to that, because there are people out there like you with the same interests, you know. So if it's genuine, your audience will find you. The other people that like, you know, sad Star Wars jokes, they will find you. And what's next for McGarry is still a pop noir, is gonna take a bit more time, or it's you managed to treat equally both, or it is tricky. It's hard to find time to record, so we are working on some new music. We're doing that, and I'm also working on currently a series of three comics that I'm then going to compile into a graphic novel. So I will release one of those. It's a trilogy about where I grew up in the south of England, Devon. So it's a series of horror comics set there. So I'm working on that. I'm going to compile that into a book. I'm working on a retrospective of all of my concert posters that I've done in LA for the past 20 years. So I'm working on a load of projects and at the same time pitching a couple TV shows and stuff around LA. So we'll see what happens with the band, because the artwork really is overtaking that at the moment. But it is important to find time to do the music too. So we'll see what happens. And we'll see too as readers and listeners. Yeah. So Luke McGarry, thank you very much. Thank you so much for having me. Et on va prendre une courte pause. Au retour, on plonge dans l'humour avec les éditions Roukmout. Sortie culturelle. Première Ovation présente les artistes émergents de Québec. La mesure est fière d'intégrer un nouveau volet qui offre un soutien à la relève du milieu du cinéma de la Ville de Québec et de Wendake. Artistes émergents, vous avez jusqu'au 1er mai 2019 pour déposer un projet dans les programmes de mentorat et de fonds de soutien aux initiatives de la relève en cinéma. Tous les détails sur premièreovation.com. Tu aimerais améliorer ton français écrit? Apprendre à lire? Prendre part à une création théâtrale? Suivre des ateliers d'initiation à Internet, iPad, Facebook, Excel ou Android? Réintégrer le marché du travail si tu es prestataire du programme d'aide sociale? Participer à des ateliers de francisation? Le cœur à lire. Pas de gêne, pas de stress. 418-841-1042. Sortie culturelle. CKRL vous présente La vie en BD en mode sortie culturelle, en direct du Centre des congrès, dans le cadre du Salon international du Livre de Québec. Alors, dernière ligne droite de cette deuxième édition de La Vie en BD en direct du Festival Québec BD, ici en mode sortie culturelle. Et on sera d'ailleurs de retour dans notre case horaire régulière vendredi prochain. L'émission est diffusée les vendredis de 17h30 à 18h30. Et d'ailleurs, je le mentionne au passage, la semaine prochaine, on va rester un peu en mode festival, puisqu'on aura l'occasion d'avoir avec nous Mikiko et Sandra Cordona, donc qui seront de passage en studio à CKRL. Mais pour l'instant, on reste donc dans la sphère internationale et on va aller du côté de Nantes après avoir été vers LA et vers l'Abitibi. Nantes pour aller jaser des éditions Roukmout et on est en compagnie de leur gérant Maël Nonet. Bonjour. Bonjour. Alors, en fait, édition Maison qui a été lancée en 2016, donc une histoire toute récente, mais déjà en fait qui a connu des beaux succès, entre autres le prix Schlingo qui a été remis à l'une des publications de Roukmout donc en 2019, c'est tout récent. Genre d'éléments qui, j'imagine, pour une jeune maison d'édition, vous donne une bonne tape dans le dos et doit aider aussi pour la crédibilité de l'entreprise. Oui, complètement, en fait. Oui. Donc, la maison d'édition a été créée en 2016. Donc, on a sorti une grosse vingtaine de livres depuis. Et donc, fin janvier 2019, à Angoulême, on a obtenu le prix Schlingo, qui est un prix qui est attribué au Off du Festival BD d'Angoulême, qui récompense le meilleur album d'humour de l'année. Donc, on l'a obtenu pour Tendre Enfance, qui est un album de Laurent Houssin, qui est ici avec nous au Festival Québec BD, avec Georges Berstein aussi au scénario. Et donc oui, pour nous, c'était une super bonne nouvelle, parce que ça récompensait le travail éditorial qu'on mène depuis de bonnes années maintenant. Et puis c'est un prix qui est assez reconnu en France dans le milieu du dessin et de la bande dessinée d'humour, qui est vraiment un genre à part entière en France. Donc voilà, on était super contents et ravis aussi du coup de venir ici au Festival Québec BD pour faire connaître un peu mieux notre travail. Oui, parce qu'il faut dire, en fait, on le mentionne, l'édition d'humour, il y a quand même plusieurs boîtes en France qui en font, qui sont bien établies. Donc, j'imagine que le défi, c'est que d'un côté, on veut faire sa place, donc être crédible dans ce qu'on offre, mais également trouver une façon de se démarquer autant envers les auteurs pour qu'ils nous choisissent, pour que ça soit facile de collaborer avec eux, mais aussi, surtout, pour les lecteurs, donc d'offrir une étiquette, une sélection éditoriale qui va aller gagner leur confiance, si on peut dire. Donc, oui. Comment on réussit à se distinguer un peu, à faire sa place dans un marché comme celui-là? Nous, déjà, on a vraiment l'idée éditoriale qui est vraiment centrée sur l'humour. Après, on essaie de travailler sur toutes ses formes. Ça peut être de la bande dessinée, de la parodie, du recueil de dessins d'humour, par exemple, aussi des publications jeunesse. Là, cette année, on lance une nouvelle collection jeunesse avec deux titres qui vont paraître en juin prochain. Donc on est clairement identifié au niveau du contenu par rapport au lectorat et aux amateurs de BD. Et puis, parmi les publications qu'on a, on a beaucoup de liens aussi avec la presse d'humour française, comme Flux Glacial ou Psychopathe, par exemple, qui est un magazine qui a cessé sa parution en janvier dernier, mais qui a marqué vraiment fortement la bande dessinée d'humour en France. Et donc, voilà, on a pas mal de projets qui sont ont parfois été pré-publiés dans ces revues-là. Et du coup, nous, on les édite en album, parce que c'était inédit en librairie. Et donc voilà, oui, enfin, je pense que petit à petit, à force aussi de participer à de nombreux festivals en France et maintenant aussi au Québec, ça nous aide aussi à nous faire identifier plus facilement de la part des amateurs de bandes dessinées de ce genre. Et petit à petit, on observe qu'on a de plus en plus de monde aussi qui nous retrouvent ou qui nous reviennent d'une année sur l'autre au festival auquel on participe et qui sont contents justement de suivre un petit peu l'aventure éditoriale qu'on mène. Et puis on a aussi au niveau du modèle économique, on a une particularité vraiment en France, c'est qu'on est à ce jour en tout cas la seule maison d'édition qui a vraiment intégré le recours au financement participatif. Vous appelez ça le socio-financement, je crois, ici. Et donc chacun de nos livres en fait passe par une phase de pré-vente sur des plateformes comme Ulule par exemple, et après les livres sortent en librairie. Donc ça permet aussi de renforcer un peu le lien qu'on peut avoir avec nos lecteurs, parce que dans ces phases de pré-vente, c'est souvent l'occasion d'avoir des choses uniques en fait qu'on ne peut pas retrouver après en librairie. Outre les albums dédicacés, on peut s'offrir des originaux des auteurs ou des goodies vraiment qui sont fabriqués pour. Donc tout ça favorise, je pense, le rapprochement entre l'éditeur, l'auteur et les lecteurs. C'est vraiment en triangle que ça se passe, et ça, c'est les préventes qui permettent aussi de le faire. Donc ça aide aussi à se fonder une communauté de gens qui nous suivent après aussi sur les réseaux sociaux et en librairie, quoi. Oui, puis en fait, je veux dire, en fait, d'un point de vue pratico-pratique, on arrive aussi avec une première édition qui est déjà qui a une série de ventes garanties, donc ça diminue le risque que prend l'éditeur à développer le produit, à mettre en marché le produit. Oui. Parce qu'il y a déjà des lecteurs qui l'attendent, on sait qu'on va rejoindre minimalement tel nombre de personnes. Oui, oui, après on a des combines, hein, parce qu'on ne va pas se mettre un stress de malade en plaçant par exemple des objectifs trop hauts. Donc généralement on met des objectifs raisonnables. Oui, je pense que j'avais vu 50. Oui, voilà, qu'on atteint relativement facilement. Mais c'est le but aussi, en fait. Le but, c'est de générer déjà toute une communication, toute une information, en fait, autour des albums à paraître. Et là, par exemple, où des éditeurs ont tout à faire en termes de communication au jour où ça sort en librairie, nous, au final, ça fait déjà 3 mois qu'on communique depuis les phases de pré-vente. Donc c'est aussi, ça fait partie d'une démarche un peu plus globale où financièrement, c'est clair que c'est pas anodin. Là, par exemple, sur la deuxième année d'activité de la maison d'édition, le fruit des ventes en festival et en pré-vente dépasse même le chiffre d'affaires de nos ventes en librairie. Donc c'est vraiment loin d'être anodin en termes de modèle économique et de santé financière derrière. Et donc voilà, c'est ouais. Oui, mais surtout en fait, quand on regarde le contexte en librairie, il y a énormément de nouveautés. Je pense en Europe, c'est plus de 5000 nouveaux albums qui arrivent, oui. Sans compter le manga en plus. Donc nécessairement on arrive dans une dynamique où c'est difficile de faire sa place, de rester en place, il y a beaucoup de rotation, donc ça devient nécessaire de créer ce type de lien-là, j'ai l'impression aujourd'hui. Oui, complètement, parce qu'en France, je prends l'exemple de la France que je connais bien, mais il y a vraiment une surproduction en matière de bande dessinée, il y a beaucoup trop d'albums qui sortent chaque année et les librairies ont des murs qui restent aux mêmes endroits, donc on ne peut pas élargir les librairies. Enfin, les librairies autant qu'ils voudraient, donc c'est très très compliqué de se faire aussi une place, juste d'être visible en fait en librairie, donc tous les moyens de se faire connaître autrement sont indispensables, en fait. Oui. Et dans un contexte aussi où on repense chez Rookmout le modèle économique, on vient d'en parler, on repense aussi la notion de transparence puis de relation avec les auteurs, oui. Dans le fond, entre autres, sur les droits, donc c'est 20% sur le montant du livre hors taxe, la prévente rentre aussi dans cette dynamique-là. Donc, oui, en fait, on a vraiment scindé la rémunération des auteurs. C'est quelque chose qui était vraiment pensé en amont de la sortie du premier livre. Ça fait vraiment partie de l'ADN de la maison d'édition. Et on a séparé ça en fonction des canaux de vente, en fait. Donc, par exemple, l'auteur touche 20% du montant hors taxe récolté lors des préventes. Après, en librairie, ça passe de 8, 10 à 12 en fonction du nombre de ventes. Et puis après, toutes les ventes qu'on peut faire aussi en direct, on a une boutique en ligne. Donc là, il n'y a pas d'intermédiaire. On valorise aussi les droits d'auteur sur les ventes qu'on peut faire en direct, en fait, via Internet. Et dans une démarche transparente, en fait, le contrat d'édition est sur le site, on peut le oui, voir. Oui. Même nous, comme lecteurs, on se demande c'est où ça va. Ben là, on sait exactement comment ça fonctionne avec les auteurs. Là. Complètement. Et puis c'est, tout le monde est logé à la même enseigne, que ce soit un auteur pas connu ou un auteur connu. Il n'y a pas d'écart qui sont faits après dans les contrats d'édition. Donc c'est vraiment une base viable pour tout le monde. Et puis c'est peut-être aussi pour ça que petit à petit, même des auteurs parfois un peu plus connus, finalement s'intéressent un peu à ce qu'on fait et qu'on sort aussi des albums. À la fois, on peut prendre des risques en fait sur des auteurs qui ne sont pas forcément très connus, et puis parfois aussi avoir des auteurs plus connus qui nous assurent sur un album de faire plus de ventes que d'habitude. On dit souvent, par exemple, que quand on sort 10 albums à l'année, on a un best-seller, on a deux albums qui fonctionnent moyennement, on en a 7 qui se cassent la tronche. C'est une moyenne qui se vérifie en plus. Malheureusement, ça se passe comme ça en fait. Donc c'est bien d'avoir justement parfois des auteurs un peu plus connus qui nous font confiance et qui sortent un album chez nous, parce que derrière nous, ça nous permet aussi de prendre davantage de risques sur des albums où là on avance un peu à l'aveugle quoi. Oui, donc j'imagine en fait d'un côté par exemple une conversation de Fab Caro Bernstein ou éventuellement un projet avec Bouzard va permettre après ça d'aller chercher d'autres titres, de prendre des risques avec d'autres auteurs pour... Évidemment, et d'ailleurs on a un projet en cours avec Guillaume Bouzard qui devrait sortir fin 2019 ou début 2020, mais typiquement, voilà, ce genre de projet nous permet, sur le plan éditorial, de prendre des risques et d'avancer vraiment sur un catalogue le plus large et le plus fourni complet. Et si on regarde justement le catalogue lui-même, c'est assez varié. Vous parliez tantôt de Psychopathe, ça a été beaucoup dans les premiers titres d'ailleurs que vous aviez amené avec la maison d'édition, donc des rééditions de Riffo. Oui. Après ça, il y a avec Hiroshiman, c'est littéralement le premier titre ou dans les trois premiers de la maison d'édition. Oui, c'est le premier titre historiquement publié par la maison d'édition, c'est le volume 1 de l'intégrale d'Hiroshiman, qui est un super héros radioactif. Assez débile, et on lui demande de sauver le monde, mais il n'y arrive pas tout le temps, voire jamais. Il fait surtout beaucoup plus de dégâts qu'autre chose, donc c'est vraiment un humour assez absurde. Et donc Riffo, on a mené un gros travail, puisque l'intégrale d'Hiroshiman compile en fait les histoires courtes qui étaient publiées en noir et blanc à l'époque dans le magazine Psychopathe, donc c'est dans les années 1990. Et du coup, Riffo a tout colorisé pour l'édition intégrale. Donc là, on vient de sortir le volume 2 en janvier, et je pense qu'un volume 3 va sortir aussi d'ici à peu près un an, grosso modo. Donc oui, on a vraiment du format bande dessinée classique, on a du recueil de dessins, je pense notamment à la collection Mammouth, qui est une collection de petits livres au format carré, pas trop cher, et un petit format propice à l'achat coup de cœur. Et on a notamment la série Absconcité de Klub, qui est un auteur qui vit à Berlin, dont les dessins étaient aussi publiés dans Psychopathe, qu'on a réuni en livre thématique. On a, je pense aussi à un autre auteur, Georges Bernstein, avec qui on a sorti Catalogue, qui est une parodie des modes d'emploi IKEA, qui est vraiment fandard, puisqu'il a vraiment téléchargé tous les modes d'emploi sur le site d'IKEA, et à partir des différents éléments graphiques qu'on retrouve dans les notices, il a refait des histoires très absurdes aussi. Et ça va jusqu'à de l'humour un peu plus trash avec Berthe, des cahiers de coloriage sous le scier. Oui. Donc c'est... Quand vous parliez de variété tantôt, c'est extrêmement varié de ce côté-là. Oui. Et même côté Québec, en fait, vous avez été chercher un auteur, un Français expatrié à Montréal, El Diablo, donc avec Wesh Caribou, où on est plus dans l'autobio. Oui, en fait, il raconte son parcours d'immigré à Montréal depuis 4-5 ans maintenant, mais il est présent d'ailleurs au Festival Québec BD sur notre stand. Et justement, c'est grâce à Wesh Caribou qu'on a pu prendre contact avec le Festival Québec BD et le Festival aussi BD de Montréal, parce qu'on revient à Montréal dans un mois. Donc c'est grâce à ces rencontres, par exemple, qu'on peut faire, qui suscitent après de nouvelles rencontres et notre venue, du coup, de l'autre côté de l'Atlantique aujourd'hui. Exactement, puis de voir, en fait, puis ça permet de garder un peu dans la logique de variété, où quand vous dites, on est dédié à l'humour, mais c'est pas un créneau spécifique, c'est assez large. Oui, avec quand même, il y a quand même une logique graphique quand on regarde un peu ce qu'il propose. Il y a des corrélations. On sent un jeu d'influence ou d'influence commune peut-être entre les différents auteurs, puis avec l'éditeur aussi. C'est plein de projets éditoriaux pris séparément qui ensemble forment un catalogue qui reste cohérent. Et on sent de votre côté, j'imagine que comme jeune lecteur, vous étiez sur Charlie Hebdo, sur L'écho des savanes, sur Psychopathe et d'autres, c'est ce qui vous allumait comme lecteur des années 90? Oui, complètement. En fait, moi, pour l'anecdote, quand j'avais 10-12 ans, je volais les exemplaires de Psychopathe dans la chambre de mon frère et j'ai lisé en cachette, en fait. Et c'est comme ça que j'ai découvert Hiroshiman. Hiroshiman, pour moi, c'était mon premier coup de cœur de bande dessinée. Et du coup, quand je suis devenu éditeur, j'ai eu la grande chance personnelle et la grande joie profonde personnelle de pouvoir justement travailler avec Riffo pour rééditer justement tout ce travail-là avec ce passage en couleur. Donc finalement, je suis tombé un peu dedans quand j'étais petit aussi. Oui, puis en fait, ça veut dire que c'est justement sur le symbolique, je pense que c'est important donc de se dire, le coup de cœur qui vous a amené vers la BD, qui vous a donné envie éventuellement d'éditer, oui. Vous avez pu l'éditer dès la première lancée. Donc. Oui, et puis ça annonce justement, j'espère que la maison d'édition, j'espère que je reviendrai vous voir dans 30 ans peut-être, mais j'espère que c'est le début aussi d'une belle aventure éditoriale, parce que plus ça va, plus on a, enfin plus les gens répondent présents, par exemple aux campagnes de prévente qu'on peut mener. On a un calendrier éditorial qui est vraiment plein, on a vraiment beaucoup de projets en cours et tout, donc il y a une belle dynamique en fait, et on s'amuse beaucoup à pouvoir mener tous ces projets-là ensemble, et c'est une belle aventure. Ouais. Et l'aventure, quand on se lance dans celle-là, est-ce qu'on s'est lancé, pour Maëlle Nonnet à tout le moins, en toute conscience et connaissance de cause, ou au contraire un peu naïvement, mais par volonté pure? Naïvement, je dirais non, parce que avant de me lancer, avant de créer vraiment les éditions Rookmood, j'ai vraiment fait 10 années de projets associatifs, notamment dans la presse d'abord étudiante, et puis après la presse satirique, où j'ai fondé un journal qui s'appelait Zélium, qui était vendu en kiosque. Donc c'est l'aboutissement quelque part, c'est une suite logique un peu à ce parcours-là. Et puis vraiment, avant de lancer la maison d'édition, j'ai vraiment pris une année pour bien la développer, notamment sur ces questions de rémunération des auteurs, sur le choix des partenaires aussi. Par exemple, tous nos livres sont imprimés à 100 km de nos bureaux en Vendée, à côté de Nantes, chez l'imprimerie Paulina. Donc voilà, c'est pas venu de nulle part, quoi. Mais je pense que ça peut pas venir de nulle part, parce que le secteur économique est tellement sinistré au niveau de la bande dessinée. C'est tellement difficile, c'est tellement compliqué. Aussi, pour avoir des subventions, c'est assez aléatoire. Même si on fait des bons dossiers, on les a pas forcément sans trop savoir pourquoi parfois. Donc, sur le plan économique, c'est vraiment très instable, en fait. Donc, c'est complexe. Donc, du coup, si on y va trop naïvement, je pense qu'on peut vite se casser la figure à l'arrivée, quoi. Alors, on invite les gens donc à vous découvrir, à aller faire un tour Édition Rookmood sur Facebook, l'engin de recherche ou ailleurs. Vous êtes les seuls à vous appeler comme ça, donc c'est facile à trouver. Le catalogue s'y trouve aussi. Et évidemment, une occasion à Montréal aussi de vous re-rencontrer donc, dans un mois. Maëlle Nonnet, donc gérant des éditions Rookmood, merci beaucoup. Et puis, une dernière petite info, on a une boutique en ligne aussi sur le site de la maison d'édition. Et merveille de la France, les tarifs d'expédition sont subventionnés pour l'international. Donc si vous êtes québécois, et voilà, si vous êtes québécois et que vous commandez sur notre boutique, vous paierez moins cher de frais de port que si on est français et qu'on commande sur notre boutique. Donc n'hésitez pas à y aller, à faire un tour, et vous aurez vos livres en temps et en heure et à bon prix. Maëlle Nonnet, merci pour le truc. Merci beaucoup. À la prochaine. Merci, à bientôt. Et nous, ben, c'est ce qui conclut cette émission en direct donc du 32e Festival Québec BD. Un grand merci à Simon Roy à la technique. Un grand merci à Mélanie Florent au relais en studio. C'était Raymond Poirier au micro. Et je vous dis à vendredi prochain, 19 avril, pour une émission régulière de l'événement BD à 17h30. Bonne fin d'après-midi. La vie en BD, en mode sortie culturelle, vous a été présentée en direct du Centre des congrès, dans le cadre du Salon international du Livre de Québec. CKRL, communication, culture. Du 6 au 14 avril prochain, vivez l'expérience du 32e Festival Québec BD. Présenté sous le thème « De la création à la rencontre », le Festival Québec BD vous offre une multitude d'expositions, de spectacles et d'activités aux quatre coins de la ville. C'est un rendez-vous avec le 9e art.